Exercice 6, page 38. A. Je mange. Je ne mange pas. Transformer. Je ne mange pas assez. B. Tu ris. Tu ne ris pas. Transformer. Tu ne ris pas assez. C. Il court. Il ne court pas. Transformer. Il ne court pas assez. D. Elle sort. Elle ne sort pas. Transformer. Elle ne sort pas assez. E. On parle. On ne parle pas. Transformer. On ne parle pas assez. F. On marche. On ne marche pas. Transformer. On ne marche pas assez.